Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde. Vivre les différences. Voir. Sentir. Toucher. Entendre. Regarde ailleurs, l'émission radio. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Étudiante parisienne en sciences sociales, Charlotte rêve de voyage depuis l'enfance. Ses parents l'ont initiée à cet art de vivre, mais Charlotte décide de prendre la route seule dès qu'elle a pu le faire. Attirée par l'Asie et la Mongolie, Charlotte a pris le transsibérien, direction la steppe mongole pour partager le quotidien d'une famille de nomades. J'ai rencontré Charlotte peu de temps après son retour dans un petit café parisien. Bonjour Charlotte, raconte-nous ton voyage. Je m'appelle Charlotte, je suis étudiante en sciences sociales, économiques et politiques. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est les sciences sociales et l'anthropologie. Et du coup, ce qui me donne l'occasion de faire des voyages est pour mon plaisir et pour mes études. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est comme ça que j'ai dû voir passer ton profil quelque part sur Internet. Comme l'émission Regarde ailleurs parle du voyage, donne la parole à ceux qui ont pris la peine d'aller voir ce qui se passait au-delà des frontières, j'ai dû voir un post, des images, je me suis dit tiens Charlotte, Paris, allez où, on y va. Et te voilà, donc toi maintenant le voyage, parle-moi de ton lien avec ton voyage. Le voyage, la première fois que tu as... Qu'est-ce qui fait que tu as envie de voyager? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller voir ce qui se passe en dehors des frontières? Mon père est un grand voyageur et quand on était petite avec ma sœur, il nous emmenait souvent en voyage. Donc c'est familial, donc au début je voyageais surtout avec mes parents. Et depuis que je vis seule, j'aime beaucoup vivre seule et je me suis dit que voyager seule ça devrait être aussi génial. Et du coup j'ai envie de continuer par moi-même. Ça c'est intéressant, il y a beaucoup de voyageurs qui ont des parents voyageurs. Donc à quel âge tu as commencé à voyager et comment est-ce que tu voyageais avec eux? Quel type de voyage est-ce que tu faisais avec tes parents en famille? Quand on était petite et que mes parents étaient ensemble, on faisait quand même des voyages dans des beaux hôtels, dans des endroits assez lointains, mais on allait plutôt dans des hôtels. Et quand on a commencé à grandir et qu'on a voyagé seul avec mon père, c'était plus route, dans le sens où on voyageait qu'en train, on allait dans des tout petits hôtels, des auberges de jeunesse. Et j'ai adoré ce principe de beaucoup bouger, de ne pas rester à un endroit, de rentrer tous les soirs au même hôtel. Donc t'as expérimenté en fait deux formes de voyage, le côté un peu plus vacances, où là tu te retrouves dans un resort et un hôtel, et un peu plus voyage, où tu as un sac à dos, tu te balades de guest house en guest house. Est-ce que tu pourrais me comparer un peu les deux modes de voyage? Le premier c'est plus tranquille, c'est surtout plus booké, tout est organisé, on sait à peu près ce qu'on va faire. C'est rassurant entre guillemets, vu que tout est sur un plan dans des guides. Tandis que le deuxième, on joue un peu plus sur le hasard, et c'est ça moi maintenant qui me plaît le plus. De pas trop savoir où est-ce qu'on va dormir le soir, ce qu'on va faire le lendemain, de plus miser sur les locaux que sur les guides en fait. Avant de me parler de ton parcours de voyageuse, j'aimerais que tu me parles des souvenirs qui te restent de l'époque où tu partais en voyage avec tes parents ou avec ton père. Qu'est-ce qui t'a marqué? Les pays dans lesquels tu t'es sentie bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui reste comme image? Le voyage qui m'a le plus marqué avec mon père, c'est la Chine, parce que c'est mon premier voyage en train et j'ai adoré le train. Et surtout, c'était mon premier pays si lointain, parce qu'on avait fait l'Afrique du Nord. Mais la Chine, ça m'avait vraiment paré loin et j'avais adoré, parce que c'était la première fois que j'allais dans un pays où j'avais vraiment une image dans la tête et l'image s'est révélée totalement fausse. Moi, j'avais l'image des restaurants chinois et que ce soit l'image que j'avais des Chinois ou de la nourriture chinoise, tout était différent. Et c'était génial d'être surprise partout. Et là, quand tu partais avec tes parents ou ton père, c'était sur des durées courtes ou des voyages long cours? Ça dépend. Avec ma mère, on faisait pas mal de randonnées, ce qui était aussi très sympa. Et là, c'était plutôt sur les coups d'une semaine, 10 jours. Et avec mon père, c'était aux alentours de 2 semaines. Mais je trouve ça trop court maintenant, mais après, c'était en fonction des vacances scolaires. Mais c'était quand même des moments très riches. Tu rentres régulièrement en France, tu es ici à Paris, tu es parisienne, tu fais tes études que tu poursuis. Est-ce que tu les as terminées ou tu es encore dans le cycle scolaire là? Là, je finis ma dernière année de licence et du coup, la question, c'est qu'est-ce que je fais après ma licence? Est-ce que je continue ou non? Donc ça va dépendre un peu de mes projets de cette année. Donc c'est voyage qu'on va parler, parce que ce que j'ai vu, c'était une photo de toi sur un cheval ou devant une yourte, ou je ne sais plus, mais en tout cas une photo en Mongolie. Donc tu me parlais de voyage seul, donc qu'est-ce qui a motivé cette envie de partir seul et quelles sont les barrières ou les peurs que tu as pu avoir? Parce que souvent on entend voyager seul, c'est pas sûr, c'est dangereux, en plus quand on est une femme, c'est d'autant plus dangereux. Enfin, comment tu te positionnes par rapport à ce danger terrible dont tout le monde fait allusion? Voyager seule, en fait, ça m'a un peu paru comme une évidence dans le sens où j'ai pas... j'adore voyager, par exemple, avec mes amis, avec ma famille, mais il y a des moments où je me sens restreinte parce que je ne peux pas faire ce que je veux au moment où j'en ai envie. Selon les instincts, les différentes intuitions, on n'est pas rassuré de faire la même chose ou d'accepter certaines propositions. Et du coup, je me suis dit qu'en voyageant seule, je pourrais faire ce que je veux. Et du coup, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir seule. Et j'ai choisi la Mongolie parce que je rêvais de grands espaces, de très très grands espaces. J'avais envie de la Mongolie depuis assez longtemps. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de voyager seule. Et encore pas vraiment seule, vu que je voulais rencontrer des locaux et donc aller chez l'habitant, en l'occurrence dans une yourte. C'était un bon moyen de voyager, enfin de partir seule, mais de ne pas se retrouver vraiment seule sur place. Et comment tu l'as organisé, ça, l'accueil en yourte? Comment est-ce que tu as organisé ton itinéraire? Est-ce que tu savais où tu allais t'arrêter? Dans quelle famille nomade tu allais séjourner? Ou ça s'est fait sur place? Non, c'était organisé parce qu'en fait, j'ai fait ça en tant que stage professionnel pour ma fac. Et du coup, j'avais besoin du statut de bénévole. Donc, alors que ce n'est pas du tout de l'humanitaire, enfin pas vraiment du bénévolat qu'on est accueilli. Enfin, je n'ai pas vécu ça comme du bénévolat. Mais j'avais le statut, donc j'avais besoin de passer par une asso. Donc du coup, je savais où est-ce que j'allais atterrir, ce qui a d'ailleurs rassuré ma mère pour me laisser partir. C'était quand même un minimum organisé. Enfin, je savais où j'allais et le transport jusqu'à la yourte était prévu. Mais après, une fois au sein de la yourte, là, on est seul avec la famille. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. L'émission radio pour se découvrir soi. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Parce que je crois que tu as pris le train, tu es partie de Paris en train pour aller jusqu'en Mongolie? Non, c'est l'inverse, je suis allée jusqu'en Mongolie en avion. J'ai passé un mois en Mongolie et le projet c'était de rentrer jusqu'à Paris en train parce que je voulais vraiment rentrer par la terre, pas faire avion un mois en Mongolie et direct retour à Paris, je voulais une transition et donc rentrer par la terre me semblait pas mal. Avant d'entrer dans ton voyage, je crois que tu as aussi créé un blog ou un site internet pour en parler, c'est quoi pourquoi? C'est quoi le projet autour de ça? Donc comme je l'ai dit, j'ai fait ça pour mon partir en Mongolie, je l'ai en partie fait pour mon stage professionnel et je voulais donner un peu d'ampleur à mon projet et je me suis dit que partager... Je sais que j'étais pas forcément comprise dans pourquoi je partais seule, pourquoi la Mongolie, pourquoi la Russie, le Transsibérien et je me suis dit que c'était une bonne manière de m'exprimer parce que parfois s'exprimer par l'écriture c'est plus facile que parler qu'à l'oral. Et donc voilà, j'ai décidé de faire mon blog donc, pour expliquer mon projet et l'envie de partage tout simplement aussi. Ton projet, c'est quoi? Projet, en gros, c'est... J'aime bien découvrir les autres et montrer chez moi ce que j'ai découvert ailleurs, en gros. Là, c'est surtout pour ça. Parce qu'on a tous pas mal de préjugés sur les autres, l'ailleurs, tout simplement. Et donc, c'était un peu à montrer mon expérience et montrer ce qu'il y a de beau ailleurs que chez nous. Et ça, c'est dans le cadre de tes études, de ta licence? Alors, pour mes études, pour qu'ils acceptent de considérer mon expérience comme un stage en plus du statut de bénévole, j'ai un peu présenté ça comme faire une étude, ça me donnait l'occasion de faire une ébauche d'études anthropologiques, parce que ce que j'ai fait, c'est loin d'être une étude anthropologique. Mais c'était, et ça rejoint ce que j'ai dit de faire connaître les autres civilisations, c'était surtout par rapport à l'anthropologie que j'ai pu partir et vraiment être en immersion participante. Et à la base, pour ma fac, je suis partie pour faire comme une étude et aussi pour me familiariser à la solidarité internationale parce que je suis partie dans le cadre d'une asso qui est censée aider que ce soit des familles, des institutions à l'étranger. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, l'émission radio. À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences. De solidarité, est-ce qu'il y a réellement une aide qui est apportée par ce genre d'association ? Est-ce que tu peux me revenir un peu sur cette expérience-là ? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir vraiment été utile ou d'avoir aidé ? Alors la Mongolie, c'est assez compliqué parce que c'est un peuple très simple, pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais ils vont pas venir nous chercher. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas nous prendre la main et nous dire voilà ce que tu vas faire. Ils vont un peu nous laisser tranquilles et si on s'impose pas dans les premiers temps, ils vont pas nous dire ce qu'on a à faire. Donc au début, on a un peu l'impression de servir à rien parce que on nous nourrit, on nous loge, on est très bien traités, mais on nous demande rien de particulier. Mais par contre, quand on s'investit un peu plus de nous-mêmes et qu'ils se rendent compte qu'on est vraiment là parce qu'on a envie d'apprendre, là on devient vraiment une aide. Et donc je sais pas vraiment si ça a fait une différence, mais oui, dans le sens, y a toujours ce que je faisais moi, ils n'avaient plus à le faire eux. Quand le père disparaissait, ce qui arrivait assez régulièrement pour la mère, bah, du coup j'étais vraiment en soutien. Qu'après, je me suis pas du tout sentie, j'ai pas du tout senti faire de l'humanitaire, mais j'ai senti être une aide, un peu comme une jeune fille au père, de temps en temps en plus. Le quotidien t'es rythmé par quoi ? Qu'est-ce que tu faisais ? Quelles étaient tes tâches quotidiennes ? Parle-moi d'une journée type. Voilà, tu te réveilles le matin, t'es dans cet univers un peu cocoon, coquet, une yourte, un univers très rond, avec des formes très arrondies. C'est un peu une sorte de coton, une boule de coton ouatée au milieu de la steppe dans laquelle le poêle est au milieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, quand on se réveille, alors ça dépend. Les journées sont très différentes en fonction de s'il y a une bête à tuer ou non. Donc, c'est un peu ça. Sinon, le matin, la première chose que les femmes font, c'est traire les vaches. Alors ça, j'étais nulle, donc je le faisais pas. Ma mission, alors je les accompagnais quand même. Ma mission était d'éloigner le taureau pour pas qu'ils embêtent les vaches pendant la traie. Donc ça, c'est la première tâche. Ensuite, il faut déplacer les troupeaux. Mais ça, c'est surtout les hommes qui s'en chargent à cheval ou à moto. Ils partent et ils éloignent les troupeaux. Donc là, la journée, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, à part nettoyer la yourte, faire à manger. Il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est assez compliqué à gérer au début, parce qu'on se retrouve au milieu de nulle part, clairement, et on ne sait pas comment occuper son temps. Donc je marchais beaucoup. Et par contre, s'il y avait une bête à tuer, alors là, il fallait attraper le mouton ou la chèvre. Ce que je n'ai jamais réussi à faire, mais j'essayais quand même. Et par contre, après que la bête était attrapée, j'aidais à tenir les pattes, vider le sang, nettoyer les boyaux, enfin vraiment pour le coup, là j'aidais. Et ça prenait pas mal de temps. Et c'était un moment, malgré tout, que j'aimais bien, parce que c'était un moment assez convivial en fait, parce que tous les nomades se regroupaient dans les familles pour aller tuer la bête. Et en fait, c'était hyper convivial. Ah oui, j'ai oublié, le matin, j'allais donner le biberon au bébé chamois. C'était mon moment préféré de la journée. Et le soir, pareil, je devais redonner le biberon au bébé chamois et je devais ramener les troupeaux. Donc les troupeaux partent la journée, il faut les ramener le soir. Et donc avec un bâton, je ramenais les moutons et les chèvres pendant que le père à moto ramenait les vaches. Et là, pareil, on refaisait la traie, il fallait attacher les veaux. Et moi, je devais encore éloigner le taureau. Donc, ouais. Mais là, tu me racontes donc le mode de vie dans la steppe mongole, en Mongolie, d'une famille nomade. On se retrouve à Paris, près de la gare de l'Est, dans un univers mais radicalement différent. Ici, on voit pas de chèvres, on voit pas de chameaux, il n'y a pas de biberon à donner le matin, il n'y a pas de bête à tuer. Et comment est-ce que tu vis cette différence, ce décalage ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Parce que c'est quand même, on est tous des hommes, on partage la même planète, mais avec des modes de vie radicalement différents des uns des autres. C'est assez marrant parce que m'adapter là-bas a été beaucoup plus court que ma phase de réadaptation maintenant. Il a fallu environ 5 jours pour que je m'adapte là-bas et que je commence vraiment à apprécier parce que c'est quand même radicalement différent. Mais j'ai vraiment adoré. Et là, le retour est beaucoup plus difficile que ce que je m'imaginais. Parce qu'il y a plein de choses qui nous paraissent pas injustes, mais qui nous paraissent fausses, en fait. J'ai l'impression de ne plus avoir de temps, alors que là-bas, j'en avais à revendre. Ce qui est assez marrant, comme moi, j'envie maintenant leur mode de vie. Eux, je sais très bien qu'ils envient le mien. Et donc, c'est un peu paradoxal, mais du coup, le retour est beaucoup plus difficile que l'arrivée là-bas. Tu as l'impression d'envier leur mode de vie, ouais, c'est quelque chose qui t'a plu, ce rapport au temps complètement différent, prendre le temps d'observer, d'être dans la contemplation, de voir les éléments naturels, d'observer les phénomènes, d'observer la vie finalement, c'est quelque chose qui t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Après, je pense que je dis aussi ça parce que je n'ai vécu ça qu'un mois, donc un mois par rapport à une vie, c'est rien du tout. Mais ouais, j'avais l'impression... C'était, pour un mois en tout cas, c'était très agréable, mais après je sais que toutes les journées se ressemblent, donc pour un mois c'est hyper apaisant. Après, je ne sais pas si ça me satisferait sur le long terme, mais c'était génial de juste marcher 10 mètres, de se retrouver vraiment seule dans des paysages magnifiques, de remarcher 10 mètres et de se retrouver dans un milieu hyper convivial. On avait de tout, on avait la convivialité, on avait la solitude, c'était génial. Qu'est-ce qui fait qu'on est si différents les uns des autres dans nos modes de vie, qu'on se choisit à la surface, sur cette surface, sur la surface de la planète ? Je pense que l'environnement fait beaucoup. Après, l'histoire, les grands personnages, on ne s'est pas du tout construit pareil. Ce que j'ai aimé, par exemple, là-bas, c'est qu'ils ont une tradition très forte. Donc, Genghis Khan est très présent encore là-bas. Et donc, pourquoi on est différents ? Ils ont gardé une sorte de fidélité à un mode de vie que nous... On s'est développé différemment, mais je ne saurais pas l'expliquer. On s'est développé différemment parce que notre histoire n'est pas la même. Donc c'est impossible d'avoir le même mode de vie ici que là-bas. Mais c'est dur à expliquer. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. L'émission radio pour se découvrir soi. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Charlotte, tu es parisienne, étudiante ici, tu as fait un break pour prendre le large, donc tu es allée en Mongolie, tu es arrivée en avion à Oulan-Bator, tu as passé un mois avec les nomades dans une yourte avant de rentrer en France par voie terrestre, donc en prenant le train. Avant de parler du retour, j'ai quand même encore envie de continuer un peu à savoir comment se passait ton quotidien là-bas. Donc tu étais dans une yourte de famille nomade, c'était la même yourte, tu as passé le mois au même endroit ou est-ce que tu as pu voyager, visiter un petit peu d'autres provinces, d'autres lieux de la Mongolie ? J'ai passé le mois dans la même yourte parce que les nomades ne se déplacent qu'à chaque saison. Donc moi, je n'ai pas bougé. Mais en revanche, au bout de 2 semaines, avec l'organisme avec lequel je suis partie, on peut rentrer prendre une douche. Et, parce que forcément, là-bas, il n'y en a pas. Et là, j'en ai profité pour partir 3 jours avec une autre fille qui partait avec le même organisme dans le parc national de Terelj. Donc j'ai vu, la Mongolie propose des paysages très différents, donc j'ai vraiment vu 2 choses différentes. Mais sinon, chez les nomades, je ne me suis pas déplacée. C'est quoi l'association pour laquelle l'association avec laquelle tu es partie ? Project Sobroad, c'est un organisme international qui propose pas mal de missions à l'étranger. Et donc ça, c'est une association française. N'importe qui, n'importe quel jeune, quelles sont les conditions pour pouvoir partir avec ce cadre qui peut être rassurant dans un premier temps ? Je crois que c'est anglais, mais on peut partir de n'importe où. Et ils proposent plein de missions humanitaires, donc que ce soit dans l'éducation, dans la santé, n'importe qui peut partir. Il faut juste remplir un dossier. Et je vais quand même mettre quelques réserves, même si je les remercie beaucoup de ce qu'ils m'ont permis de faire. C'est quand même très cher. Donc il faut vraiment mettre le budget. C'est un peu la face noire de tout ce qui est organisme humanitaire comme ça, c'est qu'on donne de notre temps en soi. Et on doit. Le budget est énorme. Donc voilà, il faut sortir sa carte de crédit. Quoi. Donc on paye pour aider. Ouais, c'est exactement ça. Je pensais avant de partir qu'une grosse partie du budget allait revenir à la famille, mais j'ai découvert sur place que pas du tout. Donc je suis assez mitigée sur l'assaut parce que je suis très heureuse d'avoir rencontré cette famille, de ce qu'ils m'ont permis de faire. Mais il y a vraiment une face noire des assauts qui me laisse un goût amer, là. Oui, mais le côté positif de ce genre d'association, c'est quand on est jeune, on a besoin d'un cadre, on ne sait pas par quel chemin y aller. Et donc ça permet peut-être de se lancer sur la route pour pouvoir après revivre cette expérience d'une manière beaucoup plus autonome, sans être obligé de passer par ce genre d'organisme ou d'association qui est là pour t'épauler. C'est exactement ça, c'est pour ça que je ne regrette pas du tout d'être partie avec eux, parce que la famille que j'ai rencontrée, je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. L'aide qu'ils ont eue grâce à moi et grâce à l'asso, je suis très contente qu'ils l'aient eue. Et c'est vrai que c'est rassurant parce qu'on a tout un briefing, on a tout un suivi. Là-bas, si on a le moindre problème, on sait qu'ils sont là. Donc c'est... Et oui, et en plus, moi, ça m'a rassurée parce que j'ai vu comment ça se passait là-bas. Et maintenant, pour un prochain voyage, je sais que je pourrais me débrouiller seule, mais c'est une bonne entrée en matière, en fait. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, l'émission radio. À travers ton regard, je me découvre. Regarde ailleurs sur le chemin des différences. Tu as fait le choix de rentrer en train. Pourquoi ? C'était aussi lié au projet associatif ? Non, rien à voir. C'était simplement toi, tu t'es dit, bon, bah, quitte à être là-bas, autant revenir par voie terrestre. Alors, il y a plusieurs raisons. Pourquoi j'aime le voyage ? Non seulement que de découvrir des nouveaux pays, des nouveaux paysages. Pour moi, ça me permet aussi de voyager dans le temps un peu. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais choisi la Mongolie. Et rentrer par le train, je trouvais que ça faisait très 19e siècle. J'aimais bien. Et j'avais lu en première la prose du Transsibérien, et ça m'avait marquée. J'avais détesté la poésie, sauf celui-là. Et quand je me suis dit, je suis en Mongolie, je sais que le Transsibérien passe par là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Et ensuite, je me suis dit, c'est bête de m'arrêter à Moscou. Pour reprendre l'avion, je vais rentrer totalement par la terre. Et je trouvais ça sympa, après un mois chez les nomades, de continuer sur ma lancée, de rentrer par ses propres moyens, de se déplacer comme ça, et j'ai choisi de rentrer en train. Donc là, tu n'avais plus de cadre, tu étais vraiment lâché seul dans le train, c'était plus organisé, c'était à toi de trouver ton billet au Langbator, de descendre du train quand on avait envie, de remonter quand tu le voulais. C'est exactement ça, et ça, c'est... Mes deux parties de mon voyage ont été extrêmement différentes, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la deuxième, c'est la spontanéité que je pouvais avoir là-bas, je pouvais faire... quasiment toutes les choses que j'avais prévues, je les ai annulées au profit d'autres choses, parce qu'au fil des rencontres, bah, d'autres choses viennent et on modifie nos projets pour vivre encore autre chose. Et bah, c'est génial ce côté un peu aventure, de changer ses projets au fil des rencontres, et c'était incroyable. Le Transsibérien, en fait, c'est pas seulement un train, c'est le nom d'une voie sur laquelle circulent différents trains. Parle-moi un peu de ce périple, le temps, combien de temps dans le train, combien de trains différents. Voilà, retrace-moi un peu le périple Oulan-Bator, Paris. Alors, mon premier trajet, tous les trajets ont été mythiques. Le premier trajet, c'était Oulan-Bator-Irkoutsk, donc c'est environ 24 heures. Là, c'était donc 24 heures de train sous 38 degrés sans clim. Donc c'était... on n'en pouvait plus dans le train, mais c'était assez génial du coup, parce qu'une certaine solidarité s'est créée entre les passagers, ça a créé du lien tout simplement. Et en plus c'était génial parce que je me suis retrouvée avec des anthropologues dans mon wagon. Donc c'était... résultat, j'ai passé un très bon moment dans le train. Et ce qu'on traverse aussi, c'est très beau. Parce que là, on quitte la Mongolie, on va vers vraiment la Russie. Et les paysages sont très beaux parce que j'ai traversé une dernière fois la steppe, j'ai revu des yourtes, des personnes à cheval. Et c'était sympa de quitter la Mongolie comme ça. Et donc je suis arrivée à Irkoutsk. À Irkoutsk, je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup aimé la ville. J'ai retrouvé dans la rue par hasard des gens que j'avais rencontrés en Mongolie. Donc c'était génial. Je suis partie avec eux sur l'île d'Olkhon, donc là en minibus. Et l'île, c'était que 4 jours, mais je disais que j'aimais bien voyager dans le temps. Là, pour le coup, j'avais l'impression d'être dans les années 70. Je me suis retrouvée avec que des hippies russes et des rastas, donc c'était assez incroyable. Ensuite, de retour à Irkoutsk, j'ai repris le train. Et là, c'était mon plus long trajet, c'était 86 heures. pour aller jusqu'à Moscou. Et là, c'était beaucoup plus long. Donc, il y avait vraiment des liens qui se tissent avec les gens de notre compartiment. Bon, alors, ils ne parlent pas anglais, du coup, c'est assez minime, mais on s'aide, on a des regards, des sourires. Et il y a le wagon-bar, dont j'adorerais parler, mais j'ai un trou noir. Un trou noir, j'ai rencontré des Russes, je sais que j'ai bu, et je ne me rappelle de rien. Donc voilà, mais je me dis que j'ai vécu une vraie expérience russe, et les gens dans le wagon, quand ils me voyaient avec deux autres étrangers avec qui on avait bu, rigolaient parce qu'on a apparemment dansé dans le train. Donc c'était très bien, je ne me rappelle pas de tout, mais j'ai beaucoup aimé le transsibérien. Donc je suis arrivée à Moscou au bout de ce trajet tumultueux. Moscou, ça a été assez dur. Vu que je revenais de Sibérie et de Mongolie, des espaces hyper nature, là je me retrouve dans une ville colossale, tout est immense, c'est très soviétique. Je me suis sentie très mal, mais bon, l'aspect culturel était quand même très intéressant, même si l'ambiance de la ville m'a moins plu. Et après, je suis rentrée jusqu'à Paris avec le dernier train. Là, je me suis dit vraiment que je rentrais chez moi parce que j'étais dans un beau train, climatisé, très sophistiqué. Je me suis dit, OK, je rentre à la maison, c'est fini. Et ça, c'était Moscou-Paris, donc sur le même train. Ouais, Moscou-Paris, j'ai fait direct à la base. Je voulais prendre Interrail, mais il y avait une question de temps et de budget. Donc, je me suis dit, tu rentres en train, mais on va faire directement. Donc il y avait 24 heures pour le premier Oulan-Bator-Irkoutsk, 86 Irkoutsk-Moscou et Moscou-Paris. 36 heures, donc j'ai passé environ 142 heures dans le train en tout. Ouais. J'aime beaucoup le train. Et sur la partie russe, donc effectivement tu disais que les gens ne sont pas anglophones. Et les voyageurs, est-ce qu'on rencontre beaucoup de voyageurs dans le transsibérien ? Alors pour mon premier trajet, oui, donc pour Oulan-Bator-Irkoutsk, il y avait quasiment que des étrangers. Par contre, en Russie, c'était très intéressant de parler avec les gens dans le train parce qu'il y avait beaucoup moins d'étrangers. Et du coup, quand on trouvait un Russe qui parlait anglais, il nous demandait, celui que j'ai rencontré nous demandait, vu que j'avais rencontré les deux seuls autres étrangers de mon wagon, des Américains, ils avaient demandé, mais vous êtes des étrangers, vous avez les moyens, pourquoi vous prenez le transsibérien ? Vous avez les moyens de prendre l'avion, qu'est-ce que vous foutez dans le train ? Et donc c'était assez intéressant parce que les Russes le prennent par contrainte, vraiment. Tandis que nous, on le prend parce que ça a un côté mythique, le transsibérien, on a tous plus ou moins eu vent et ça nous donne envie, tandis que eux, pas du tout, on va passer des jours dans le train. Voilà. Comment tu passes les frontières en venant de Moscou jusqu'à Paris ? Le train s'arrête, tu sors à des postes de douane, ce qu'il faut anticiper les visas ? Non, parce que tu rentres en Europe quand tu sors de la Russie. Sortir de la Russie, c'est facile, mais traverser la Biélorussie, c'est compliqué. Mais par contre, la frontière où j'ai passé le plus de temps, c'est entre la Mongolie et la Russie. Parce que sortir de Russie, c'est simple, mais y rentrer, par contre, c'est compliqué. Ils font passer les chiens, ils vérifient vraiment les passeports, surtout pour ceux qui ont des visas de transit. Et là, c'est des heures à attendre. Donc, clairement, ils sont là pour nous faire peur. Ils nous regardent hyper méchamment, et ils nous fixent pendant 10 minutes avec notre passeport. Ils font passer les chiens, ils fouillent certains bagages. C'est un peu une mascarade, je pense, hein, mais c'est long, c'est long. On va revenir à ton site internet que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu me disais avant, juste là en marchant, que tu essayais de communiquer pas mal sur ce site. Quelle est l'idée derrière ? L'idée, c'est de... J'aimerais bien refaire un voyage, j'aimerais bien en faire un plus long. Et j'aime bien l'idée d'avoir un projet derrière, de pas juste voyager pour le voyage, même si en soi, c'est aussi génial. Mais j'aime bien l'idée d'avoir un projet parce que derrière, j'écris aussi pour une radio. Et en fait, c'est juste que ça me donne une sorte de légitimité à voyager. Non pas qu'on en ait besoin, mais vu que je suis étudiante, on a tous besoin de faire des stages, des expériences professionnelles. Et je voulais lier le voyage avec une expérience professionnelle. Donc ça me permet de faire les deux, en fait. Voilà. Ouais, le site et le blog, là on peut lire ce que tu as écrit, voir tes images, découvrir un petit peu qui est Charlotte. Alors donc mon blog à moi, c'est charlotteandthenomadiclife.wordpress.com. Et sinon j'écris pour divers blogs et là tout est dispo sur ma page Facebook Charlotte et la vie nomade, où je poste tous mes propres articles et ceux que j'écris pour des tierces personnes. Merci Charlotte. Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.